La rose du tombeau par Charles Schiller. Dans un voyage que j'entrepris en 1829, pour aller de Munich à Berlin, je m'arrêtai une journée à Augsbourg. C'était le jour de la Toussaint. Le soleil d'automne réchauffait les champs que la torpeur de l'hiver commençait à engourdir, et la nature envoyait aux promeneurs un dernier regard d'adieu bienveillant. La foule se dirigeait vers le cimetière. Je me joignis à elle. L'asile des morts reçut de nombreux visiteurs. Toutes les tombes étaient fraîchement parées de jasmin, de roses, de cyprès. Près de chacune d'elles était assis ou agenouillé un être s'abandonnant à la tristesse et aux larmes. Des pleurs humectaient la froide pierre ou glissaient dans le calice des fleurs. Le souvenir de morts chéris, d'amis lointains, de joies passées vint agiter mon esprit. Je ressentais à la fois une sorte de terreur et de volupté. Je me disais, si l'on t'enterrait à présent dans ce cimetière, aucune main amie ne viendrait couronner ta tombe de fleurs. Des yeux aimants ne te donneraient pas de douces larmes. Nul cœur fidèle ne t'apporterait en ce jour solennel un tendre souvenir. Plongé dans ces sombres pensées, j'arrivai à une tombe fraîchement refermée. Il y avait à peine une heure que l'on y avait déposé une jeune fille de 16 ans, une jeune fiancée. Ses parents et son futur époux entouraient le tombeau, et ses compagnes l'ornaient de roses et de plantes vertes. Plein d'émotion, je me baissai et je cueillis parmi ses pieuses offrandes un bouton de rose à demi épanoui. Puis je continuai ma promenade en proie à la plus profonde mélancolie. En arrivant près de l'entrée du cimetière, j'aperçus sur une plaque l'inscription suivante. « Respectez la propriété des trépassés. Les fleurs appartiennent aux morts. » Ces simples mots firent une vive impression sur mon esprit agité. Mon regard se dirigeait involontairement vers la rose que je tenais dans ma main, et je ne pus m'empêcher de m'adresser moi-même le reproche d'avoir privé, inconsidérément, un tombeau à peine fermé d'un de ses ornements. Déjà, j'étais sur le point d'y retourner pour le lui restituer, mais une certaine fausse honte m'arrêta. Je ne voulais pas me laisser dominer par un sentiment de superstition. Je quittai le cimetière, la rose à la main. Le soleil était déjà couché. Je profitai du crépuscule pour parcourir les belles promenades dont Augsbourg est entourée, et je rentrai un peu tard dans mon auberge au Mouton Blanc. Après avoir mis la rose sur une table dans un verre rempli d'eau, j'approchai la table de mon lit, et je me livrai à la lecture jusque vers minuit, heure à laquelle j'éteignis ma bougie. Je me trouvais dans cet état où les sens hésitent, ballottés entre la veillée et le sommeil, semblables aux oiseaux nocturnes qui, las de voltiger, viennent raser le sol et n'agitent plus que faiblement leurs ailes, quand soudain ma chambre s'illumina d'une douce lumière, sans que je puisse voir d'où elle venait. La porte s'ouvrit sans bruit, et une figure pâle, couverte de linceul, une couronne mortuaire sur la tête, entra, comme portée par des mains invisibles. Le charmant visage d'une belle jeune fille attacha ses yeux fixes sur mon lit, et elle-même s'approcha de moi la main levée. « Pourquoi as-tu dépouillé les morts ?» me demanda-t-elle d'une voix sourde et plaintive, et tout en parlant, elle ne quittait pas de vue la rose placée dans le verre. « Pourquoi m'as-tu pris cette fleur plantée sur mon tombeau par l'amitié fidèle ?» Je ne répondis pas. Tout mon sang s'était glacé dans mes veines. J'étais sur mon séant et pouvais à peine respirer. Le fantôme s'approcha de plus en plus de ma table, étendit le bras, prit la rose et me la présentant d'une main, me fit signe de l'autre en me disant « Suis-moi, viens rendre toi-même, ô mort, ce que tu leur as ravi, et plante de nouveau cette rose sur la terre consacrée. » Je sortis du lit entraîné par un pouvoir surnaturel, et je suivis l'apparition. Nous traversâmes les rues désertes éclairées par les rayons blafards de la lune, nous sortîmes de la ville, et nous approchâmes enfin du cimetière. Les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes sans bruit. Dans l'enceinte du champ de repos, le spectre leva sa blanche main et me montra l'inscription portant en caractère de feu les mots suivants « Respectez la propriété des trépassés ». Puis il continua sa marche par-dessus les pierres tumulaires, et moi, le suivant toujours, sous l'influence du charme attaché à la rose. Nous arrivâmes ainsi à la tombe de la jeune fille de 16 ans. Elle était ouverte. Le fantôme s'arrêta, et m'indiquant l'endroit où la fleur avait été détachée du rosier. « Toi qui dépouilles les morts, s'écria-t-elle d'une voix sépulcrale, rends-moi le don de mon fiancé. » Et à ces mots, la jeune morte me présenta la fleur que je pris machinalement. Elle descendit alors dans la fosse, me regarda de ses yeux fixes et s'étendant dans le cercueil. « Ma rose » cria-t-elle une dernière fois. Je me sentis entraîné avec la fleur. Je me penchai sur la tombe et elle se referma sur nous deux. Un frisson parcourut tout mon corps, je m'éveillais, et mon premier regard se dirigea sur le verre dans lequel j'avais placé la rose. Elle avait disparu. C'était « La rose du tombeau » par Charles Schiller.